soigne tous ses ennuis. On s'est perdu dans l'ivresse, pour ça qu'on dort plus la nuit. Y'a les potos qui sont là et on est tous pétés. Quand on rentre, on finit à 5 dans la société. Certains sneak seuls, leur vie c'est le quinté. Je pars pas plus 7 jours, sinon je peux pas pointer. Voleur, dealer, y'a de tout ça dans la cité. Nos mères qui pleurent, y'a la vie d'assez compliquée. Le risque d'une ristourne, c'est que tu fais vite niquer. C'est une drôle de vie quand t'as de drôles d'idées. Et on nique tous les SS, ils mettent les gros au tarnis. On veut s'en aller de la tête, quelques jours à Miami. Une jolie fille bentenesse, qui reste très loin de tous ses ennuis. On s'est perdu dans l'ivresse, pour ça qu'on dort plus la nuit. Et on nique tous les SS, ils mettent les gros au tarnis. On veut s'en aller de la tête, quelques jours à Miami. Le 6-9 est ma vie, à moi je veux mon checker. Liberta, à tous les rats, tu sens mandat dépôt. A tous ceux qui dans le dos, et ben ils règlent tes comptes. On n'est pas comme eux, du danger dans notre jeu. On sait même plus où est-ce qu'on va, on sait même plus qu'est-ce qu'on veut. Perso, devenir riche, c'est pas mon objectif. Moi je suis bien avec ma mère quand je m'envoie là, c'est chill. Et on nique tous les SS, ils mettent les gros au tarnis.